et le premier héros, la mâle et virginale Barbello, la gloire primordiale du Père invisible, celle qu'on appelle parfaite. Toi, tu as vu au commencement que le préexistant réel est un non-être, et de lui et par lui, tu as préexisté éternellement. Au non-être, à partir d'un indivisible à triple puissance, tu es triple puissance, tu es une monade grande, à partir d'une monade pure, tu es une monade élue, et ombre primordiale du Père Saint, lumière issue de la lumière, nous te célébrons. Génitrice des parfaits, productrice d'éternité. Toi, tu as vu que les éternels sont issus du nombre, et tu as produit du nombre. Et d'un côté, tu t'es trouvé persistante à être une, et de l'autre côté, en produisant du nombre pour un partage, tu es triple. Tu es en vérité trois fois multipliée. Tu es d'une part une de l'un. Et d'autre part, tu proviens du monde qui lui appartient. Tu es la cachée, tu es un monde de connaissances. Car tu sais, ceux qui appartiennent à l'un sont issus du nombre. Et ceux-là, tu les as dans le cœur. C'est pour eux que tu as donné puissance aux éternels. Par l'essence, tu as donné puissance à la divinité par la vie. Tu as donné puissance à l'intellect. Par la bonté, par la béatitude, tu as donné puissance aux ombres émanées de l'un. Tu as donné puissance à celui-ci par l'intellect. Tu as donné puissance à un autre par une création. Tu as donné puissance à ce qui est égal et à ce qui n'est pas égal. À ce qui est ressemblant et à ce qui n'est pas ressemblant. Tu as donné puissance par un engendrement et des formes dans l'existant, et jusqu'à d'autres même pour un établissement et une génération, tu leur as donné puissance. Voilà ce qui est caché dans le cœur, et tu es sorti vers eux, et par eux, tu te dispenses sur eux, et tu deviens premier révélé, grand intellect, Dieu Père, enfant Dieu. Engendreur de nombre selon la division de tous les vrais existants. Tu leur as révélé à tous une parole, et tu les maintiens tous en l'inenfantement, dans une éternité sans corruption. À cause de toi est venu jusqu'à nous le salut, de toi provient le salut. Tu es sagesse, tu es gnose, tu es la vérité. À cause de toi est la vie, de toi provient la vie. À cause de toi est l'intellect, de toi provient l'intellect. Tu es l'intellect, tu es le monde de la vérité, tu es triple puissance, tu es une triplicité. En vérité, tu es trois fois multiplié. Éon des éons, c'est toi seulement qui vois purement les premiers éternels et les inenfantés, et les premières divisions selon la matière dont tu fus divisé. Réunis-nous selon la manière dont tu as été réuni. Instruis-nous des choses que tu vois. Donne-nous puissance afin que nous soyons sauvés pour la vie éternelle. Car nous sommes une ombre de toi. De la même manière qu'aussi tu es une ombre de celui qui est le préexistant premier. Écoute-nous. D'abord, nous sommes des êtres éternels. Écoute-nous en tant que parfait. À titre individuel, c'est toi, Léon des Éons, la toute parfaite, qui est dans le rassemblement. Tu as écouté, tu as écouté, tu as sauvé, tu as sauvé. Nous rendons grâce, nous te bénissons en tout temps, puissions-nous te rendre gloire.